L'ouvrage légendaire était disponible depuis plusieurs années en format numérique et en accès libre sur Internet. Il est depuis quelques semaines enfin édité en papier en deux imposants volumes chez Gallimard. Récolte et semaille est une plongée inédite, vertigineuse et captivante dans l'esprit d'Alexandre Grothendieck, mathématicien génial, récompensé de la médaille Fields, avant de quitter avec pertes et fracas l'Institut des hautes études scientifiques qui avait été peu ou prou créé pour lui. Il consigne ses réflexions autant mathématiques que littéraires, philosophiques ou psychanalytiques dans cette somme de plus de 2000 pages absolument inclassable. Grothendieck, la moisson, c'est le programme inclassable donc, qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour explorer en une heure ce qui est bien peu cette somme en nul autre pareil, ce qui est une forme de défi radiophonique, je dois dire, j'ai l'immense plaisir en tout cas de recevoir à cette table Olia Caramello, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne et logicienne, professeure associée à l'Università degli Studi dell'Insubria à Côme et titulaire de la chaire Israël Gelfand à l'Institut des Hautes Études Scientifiques, l'IHES. Alain Cohn, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur émérite à l'IHES, titulaire de la chaire Analyse et Géométrie au Collège de France et lauréat de la médaille Fields en 1980. Et Laurent Laforgue. 82, excusez-moi. Laurent Laforgue, bonjour. Bonjour. Mathématicien lauréat de la médaille Fields en 2002, la date est bonne. Voilà, oui. Vous avez vous quitté l'IHES pour aller dans le privé. Vous nous en direz un mot car ça a un rapport avec notre sujet du jour. Mais avant donc de plonger dans l'ouvrage Monde de Grothendieck avec ses invités de marque, nous faisons notre récolte quotidienne d'actualités scientifiques avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue dans Science Translational Medicine, une étude qui apporte une cartographie des neurones de la douleur. Oui, plus particulièrement des nocicepteurs, une sous-population de neurones sensoriels qui sont spécialisés dans la détection et la transmission de la douleur. Si vous mettez votre main sur une plaque chaude, par exemple, votre peau brûle, ce qui va activer des terminaisons nerveuses qui appartiennent aux neurones nocicepteurs. Pas transcriptomique unicellulaire, une méthode pour explorer l'expression des gènes dans chaque cellule, une équipe américaine a recherché les signatures moléculaires de ces neurones chez 8 donneurs d'organes. Alors cet atlas révèle qu'ils sont en fait très hétérogènes et qu'il y a des différences importantes entre les sexes. Historiquement, la recherche fondamentale sur la douleur a longtemps étudié les sujets mâles. Or, dans la population mondiale, 70% des personnes concernées par les douleurs chroniques sont des femmes. Ces résultats apportent de nombreuses cibles médicamenteuses. Anna Anders est chercheuse CNRS à l'Institut de Biologie de Développement de Marseille. La force de cet article, c'est que c'est une étude qui a été réalisée chez l'homme. Donc elle révèle la complexité du système en termes d'hétérogénéité ou de diversité des populations neuronales qui vont participer à la détection de ces stimulations sensorielles. Et jusque-là, cette hétérogénéité avait été mise en évidence chez la souris, mais ces données sont tout à fait nouvelles chez l'homme et donc elles permettent de comparer les données souris et les données hommes, de constater qu'il y a une ressemblance globale, mais aussi certaines différences. L'avantage d'avoir ces données chez l'homme, c'est qu'on a cette vue d'ensemble pour avancer sur la compréhension de la douleur chronique chez l'homme. Vous parliez de l'hétérogénéité. On voit dans ces données qu'il y a des différences justement entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Voilà, donc ça c'est ce qu'on apprend en fait, c'est que effectivement, comme supposé par des études chez la souris, et bien dans les populations humaines, dans les nocicepteurs humains, il y a des différences liées au sexe qui ne concernent pas les catégories, donc hommes et femmes ont les mêmes catégories de neurones sensoriels, y compris de nocicepteurs, mais les propriétés de ces derniers apparaissent comme étant différentes entre hommes et femmes. Voilà, et pour retrouver l'étude dont il est question, ainsi que l'émission que nous avions consacrée assez récemment justement à une histoire de la douleur et de l'analgésie et de l'anesthésie, tout cela, eh bien, c'est à retrouver sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics, nous avons découvert une troisième lune qui orbite autour d'un astéroïde. Oui, l'astéroïde Electre. Les astéroïdes peuvent former des duos, voire des trios, mais c'est la première fois que l'on observe un système quadruple. En 2003, on a découvert qu'Electre, située dans la ceinture principale, possédait une lune. Puis en 2014, qu'elle en possédait une seconde, et des chercheurs du CNRS viennent donc d'en découvrir une troisième. Pour cette détection, ils ont passé au crible d'une IA les données du Very Large Telescope au Chili. Leur algorithme a affiné les images afin de réduire le halo très lumineux d'Electre pour rendre ainsi visibles les petits objets plus sombres. Alors comment de tels systèmes se forment exactement? Nous n'en savons rien. En attendant, avec cette nouvelle méthode, l'équipe espère en découvrir d'autres dans notre système solaire. Selon une autre étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics, nous avons découvert la plus grande galaxie connue à ce jour. Grâce aux images du télescope LOFAR, une équipe internationale a identifié une radiogalaxie géante, large de 16,3 millions d'années-lumière. Elle a été baptisée Alcyoneuse. Alors par comparaison, notre Voie lactée ne s'étend que sur 520 000 années-lumière. On parle de radiogalaxie géante lorsque sa longueur propre projetée sur le plan du ciel dépasse 2,3 millions d'années-lumière. Nous n'en connaissions que 10 qui dépassaient les 9,8 millions d'années-lumière. Alcyoneus va pouvoir nous permettre de comprendre les principaux mécanismes qui régissent la croissance des radiogalaxies. Et enfin, selon une étude parue cette fois dans la revue Trends in Ecology and Evolution, une espèce peut disparaître deux fois. Et quand le dernier dodo ou quand le dernier thylacine ont rendu leur dernier souffle, c'est une première extinction, une disparition biologique. Mais ils peuvent aussi disparaître une seconde fois. C'est ce que les auteurs appellent une extinction sociétale. C'est-à-dire lorsque les connaissances culturelles sur ces espèces s'effacent progressivement avant de complètement disparaître de la mémoire collective. D'après cette méta-analyse d'une dizaine d'études, les espèces éteintes, animales comme végétales, sont en voie d'extinction et tendent à disparaître une seconde fois. Selon cette étude, cela aura des conséquences cognitives et émotionnelles. Pour maintenir les efforts de conservation de la biodiversité, il est important de conserver les souvenirs et les archives des espèces disparues afin de réaliser ce qui a été perdu. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le journal des sciences de la semaine. Dire de Récolte et Semaille qu'il s'agit de l'ouvrage d'une vie, c'est à la fois tout dire et ne rien dire du tout. Longtemps, cet ouvrage, sous forme de tapuscrit de plus de 1000 pages, a été entouré d'une forme de légende, passant de main en main de façon plus ou moins clandestine. Histoire racontant d'ailleurs que c'est mon estimé confrère et prédécesseur Stéphane Delisgorges qui s'en vit confier la première copie définitive par Grothendieck lui-même pour tâcher de lui trouver un éditeur. Là, cette somme qui emprunte autant aux mathématiques qu'à la littérature, à la philosophie, à la mystique, à la politique ou à l'écologie, cette somme fut cantonnée longtemps à n'être accessible que via un fichier numérique en ligne. Jusqu'à ce mois de janvier, l'éditeur Gallimard, avec l'aide d'ailleurs de l'IHES, a donc publié Récolte et Semaille dans un coffret de deux volumes de la collection Tell. Et pour entrer dans la pensée si iconoclaste d'Alexandre Grothendieck, je vous propose simplement de l'écouter dans la façon qu'il a d'aborder l'enseignement mathématique. Nous sommes au CERN en 1972. Je vais être confronté dès cet automne à cette situation, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, d'être dans un amphithéâtre avec des étudiants auxquels je dois pour de bon enseigner les mathématiques, qu'ils vont les préparer à certains examens, leur procurant certains diplômes dont je suis pour ma part convaincu que ce sont des connaissances qui ne servent à rien. D'une part, qui ne servent à rien pour la société dans son ensemble, mais d'autre part, dont il n'est même pas clair qu'ils servent à quelque chose à ceux qui vont avoir ce diplôme, parce qu'il n'est absolument pas clair que cela permettra d'avoir un métier par la suite. Donc, alors ce que font la plupart encore des scientifiques, c'est que, ou bien ils se refusent de voir le problème, ou bien s'ils le voient, ils posent un voile public par-dessus ce problème dans leur relation avec les étudiants. Et les relations entre les étudiants et eux, ce sont les relations d'enseignants et des relations traditionnelles d'enseignants à professeurs, c'est-à-dire ils font un cours technique, celui qu'on leur demande, un point c'est tout. Lorsque exceptionnellement les étudiants posent des questions techniques, on répond à ces questions techniques du mieux qu'on peut. En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas m'en tenir à ce type de relation et ne plus séparer l'enseignement mathématique d'une discussion à visage découvert avec les étudiants ou tous ceux qui voudront venir assister à la discussion pour essayer de faire le point. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que nous allons apprendre ensemble? Que signifie l'examen qui est au bout du programme de cette année? quel est son sens, quel est notre rôle mutuel, moi professeur et vous étudiant, et décider ensemble sur ce qu'on fera. Voilà, Alexandre Grothendieck en 1972, donc 2 ans après son départ de l'IHES. Laurent Laforgue, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, ce passage est extrêmement intéressant et il nous permet tout de suite de réaliser deux traits essentiels de la pensée de Grothendieck. D'une part, le fait qu'il ne sépare pas les choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'une part mathématicien et d'autre part une personne, un écrivain. Il est tout cela à la fois. On peut même introduire l'œuvre mathématique de Grothendieck en disant qu'en fait, il n'est pas vraiment un mathématicien, il est un écrivain qui fait des mathématiques. Une deuxième caractéristique qui apparaît dans cet extrait, c'est que on l'entend poser une question de fond. Pourquoi enseigner les mathématiques? Pourquoi faire des mathématiques? Et en fait, ceci est également caractéristique de tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est-à-dire aller à la racine des choses et poser les questions les plus fondamentales, remettre en cause toutes les évidences. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait dans toute son œuvre et qui apparaît ici tout de suite. Et avec un certain goût pour la lettre à Lincoln, hein, puisqu'on entend ça, on l'entend dire avec une certaine provocation de dire, puisque de toute façon, ce que je vous enseigne ne servira absolument à rien. Et on voit qu'il lit tout de suite ce qu'il fera d'ailleurs dans son œuvre, l'enseignement mathématique, comme vient de le dire Laurent Laforgue, eh bien, à tout le reste, c'est-à-dire à la discussion dans un champ beaucoup plus large d'échange avec les étudiants et avec son public. Oui, en fait, ça, il faut, je veux dire, si on présente ça d'emblée, bon, comme Laurent l'a expliqué, ça, on peut comprendre effectivement certaines facettes de son caractère, mais ça correspond quand même à une période très très spécifique dans sa vie, et on ne peut pas, je veux dire, il ne faut pas confondre l'impression première que l'on aurait de cette période avec l'évolution d'Alexandre Grothendieck. Donc j'essaierai au contraire, si vous voulez, de me placer dans l'histoire de sa propre évolution, comme complémentaire à ce qu'a dit Laurent. Et dans l'histoire de sa propre évolution, je veux le faire parce que je voudrais contraster deux périodes. Si vous voulez, quand Grothendieck a eu une enfance extrêmement solitaire, il a été, pas abandonné, mais je veux dire, il est resté loin de ses deux parents à partir de l'âge de 6 ans, et il en a beaucoup souffert. Mais dans Récolte et semailles, il explique bien que la solitude est sa compagne préférée, et c'est sa compagne qui lui permet d'être créateur plus que toute autre chose. Première chose. Ensuite, si vous voulez, quand Grothendieck, bon, à travers des vicissitudes assez dures dans sa vie, a fait ses études à la faculté de Montpellier, quand il a eu 20 ans, il est monté à Paris. Et là, il a été admirablement bien reçu par les mathématiciens qui étaient Henri Cartan, Dieudonné, Schwartz, Serre. Enfin, donc, si vous voulez, il y a eu une période bénie. Les fondateurs de l'IHES, par ailleurs. Ah non, pas encore. Bon. C'est la période dans laquelle il a commencé par un sujet qui est, comme il le dit, assez rébarbatif, qui est l'analyse fonctionnelle, dans laquelle il a trouvé une... si vous voulez, pour détendre un peu l'atmosphère, il a trouvé une notion qui est ce qu'on appelle les espaces nucléaires. Alors, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec la physique nucléaire, bien qu'on puisse désintégrer les mesures atomiques sur un espace nucléaire. Donc, en fait, si vous voulez, Grothendieck a fait une trouvaille formidable. Il a ébloui Dieudonné et Schwartz à ce moment-là. Et ensuite, il a bifurqué vers ce qu'on appelle la géométrie algébrique. Et là, à nouveau, il a été admirablement bien reçu, si vous voulez, par Jean-Pierre Serre. Il y a une correspondance entre Grothendieck et Jean-Pierre Serre qui fait qui est un très gros volume, et dans lequel on voit comment, si vous voulez, ces deux caractères vraiment complémentaires se sont, je veux dire, on fait un échange qui a été incroyablement productif. Et après, si vous voulez, grâce à Serre, grâce aussi au dévouement incroyable de Jean Dieudonné, Grothendieck a pu donner toute sa mesure en géométrie algébrique. Comme il le dit dans Récolte et semailles, il n'a jamais peiné, c'est-à-dire que pour lui, ça ne représentait pas un effort. Il se baissait, il récoltait tout ce qu'il pouvait. Et ça a été une période Bon, il a eu un passage difficile quand sa mère est morte. Il a eu un genre de dépression pendant 6 mois. Puis après, il a eu une période de créativité absolument rayonnante dans laquelle il a inventé la notion de topos, dont nous parlerons après. Mais en 70, il a eu un changement extrêmement brutal qu'il est très difficile d'analyser correctement. Il y a toutes sortes d'analyses possibles. Et il y a un dessin qu'il a fait qui est absolument frappant, dans lequel il y a écrit en allemand des sorcières, et en dessous de ce dessin, il y a un texte en allemand dans lequel il explique qu'il est en train de faire cuire un de ses principaux théorèmes, qui est ce qu'on appelle le théorème de Riemann-Roch-Grothendieck, il y a un feu qui est attisé par des diablotins. Et ce qu'écrit Grothendieck en allemand en dessous, c'est que pour expliquer ce théorème, il faut 500 pages. Et qu'il ne comprend pas que l'esprit humain soit consacré à ça, alors qu'il ressent dans son corps que la vie est menacée. Et en gros, si vous voulez, il fait une profession de foi écologique à ce moment-là. Il est aussi effrayé par, bien sûr, la menace nucléaire. Et il fait une profession de foi que ne renierait personne maintenant, 51 ans après. On va discuter évidemment de tout ça. Je tiens à préciser deux choses tout de suite. C'est que nous avions donc déjà consacré une émission à Alexandre Grothendieck. Donc nous n'allons pas redonner toute sa biographie. Je vous renvoie à cette émission si vous voulez en savoir plus vraiment sur le début de sa carrière et toute cette période que vient de résumer brillamment Alain Cohn. On va vraiment se concentrer sur Récolte et Semaille. Olivia Caramello, peut-être un mot déjà sur cette archive que vous avez entendue et de réentendre la voix Grothendieck avec ce petit accent si significatif, et puis plus généralement sur le lien que vous avez vous à Récolte et Semaille. Il était disponible en ligne gratuitement. C'était important de lui redonner corps dans un volume accessible à tout le monde en papier, selon vous? Oui, absolument. Donc oui, c'est toujours émotionnant d'écouter la voix de Grothendieck, si pure et attentive à la précision de l'expression aussi. Il était, je veux quand même le souligner, très rigoureux en mathématiques, mais il l'est aussi dans ses réflexions anthropologiques, psychanalytiques et d'autres natures qui se trouvent en grande abondance dans ce merveilleux texte Récolte et Semaille. Donc oui, je voudrais juste ajouter une remarque par rapport à ce que Alain Cohn disait. Effectivement, cet extrait du discours le fait peut-être apparaître comme peut-être un peu trop provocateur, c'est-à-dire ça met en avant ce côté de provocation, et ça peut-être, si c'est pas vraiment mis dans le bon contexte, ça peut faire penser que lui, il voulait vraiment arrêter la recherche scientifique, et beaucoup de gens l'ont interprété comme ça, alors que si on regarde quand même même sa production scientifique après cette période-là, on voit quand même qu'il a jamais arrêté de faire de la recherche, que ça soit en mathématiques ou dans d'autres sujets. Donc ça, je voulais quand même le préciser. Et Grothendieck, c'est vraiment un penseur à large échelle. Donc, c'est quelqu'un qui, bien sûr, a fourni une preuve spectaculaire de son talent, surtout en mathématiques, mais pas seulement. Et en fait, on commence à le découvrir avec notamment ce texte Récolte et Semaille, qui est truffé de réflexions très, très profondes sur tout un tas de sujets, et aussi sur toute l'éthique des mathématiques et plus en général de l'activité scientifique. Donc, personnellement, je vois ce discours au CERN comme peut-être un pas important dans cette œuvre de réflexion plus large au-delà des mathématiques, qui après s'est approfondie dans les années suivantes. Et voilà, donc personnellement, je trouve que c'est très très bien que Récolte et Semaille soit enfin sorti. Moi, je le connaissais déjà, bien évidemment, à travers la version électronique. Et en fait, pour moi, ça a été merveilleux de découvrir ce texte, parce que ça explique une vision. Vraiment, ça c'est un texte dans lequel Grothendieck se prend le temps d'expliquer sa vision des mathématiques, mathématiques et aussi, bien sûr, les rapports qu'il a avec la communauté mathématique, à cause notamment de cette vision, de comment cette vision est reçue par ses contemporains et par d'autres personnes autour de lui. Donc, personnellement, ça a été très rassurant pour moi de voir un mathématicien avec une telle innocence, une telle pureté d'esprit et un tel regard large sur les mathématiques, une véritable vision. Donc, ça m'a encouragé beaucoup à cultiver moi-même cette approche interdisciplinaire globale aux mathématiques. Donc, pour moi, ça a été vraiment fondamental. Et on discutera, comme le soulignait tout à l'heure Alain, comme tout à l'heure, des topos qui sont un concept mathématique développé par Grothendieck qui ont été extrêmement critiqués, voire plus d'ailleurs par la communauté mathématique et dont vous avez tous les trois été les continuateurs d'une certaine manière. On y viendra tout à l'heure et j'aimerais qu'on parle de ce livre, des circonstances dans lesquelles il a été écrit et puis de ce qu'il représente pour chacun d'entre vous individuellement, parce que c'est une telle somme qu'il y a beaucoup de très nombreuses portes d'entrée. J'aimerais entendre la vôtre tout de suite après ça. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de Récolte et semailles, le livre testament d'Alexandre Grothendieck, un livre qui vient d'être édité chez Gallimard en deux volumes. Nous en parlons avec Olivia Caramello, Alain Cohn, Laurent Laforgue. Avant d'entendre votre relation et votre porte d'entrée individuelle à ce livre, je vais en lire un tout petit extrait dans les nombreuses introductions propédeutiques et propos liminaires qu'il y a avant de rentrer dans le vif du livre, si tant est qu'on puisse parler de vif, et ça je vous laisserai le dire. Nous sommes donc page 99 de cette nouvelle édition, dans le troisième chapitre qui s'intitule « Une lettre ». Voilà ce qu'écrit Alexandre Grothendieck. Dans cette prélettre, je voudrais maintenant te dire, puisqu'il faut préciser que c'est donc écrit à la première personne et qu'il y a une adresse à la deuxième personne du singulier au lecteur, je voudrais maintenant te dire en quelques pages, si faire se peut, de quoi il est question dans Récolte et semailles, te le dire de façon plus circonstanciée que ne le dit le seul sous-titre « Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien », le mien de passé, tu l'auras deviné. Il y a beaucoup de choses dans Récolte et semailles, et les unes et les autres y verront sans doute beaucoup de choses différentes. Un voyage, voyage étant gras, à la découverte d'un passé, une méditation sur l'existence, un tableau de mœurs d'un milieu et d'une époque, ou le tableau du glissement insidieux et implacable d'une époque à une autre, une enquête quasiment policière par moments, et en d'autres frisant le roman de Capdépée dans les bas-fonds de la mégapolis mathématique, une vaste divagation mathématique qui en sèmera plus d'un, un traité pratique de psychanalyse appliqué ou au choix un livre de psychanalyse fiction, un panégyrique de la connaissance de soi, mes confessions, un journal intime, une psychologie de la découverte et de la création, un réquisitoire impitoyable comme il se doit, voire un règlement de compte dans le beau monde mathématique et sans faire de cadeaux. Voilà autant de pistes d'ouverture qui disent la richesse de cette œuvre. Je vais vous donner la parole, Alain Cohn. Quelle est dans cette liste presque programmatique, celle qui est la vôtre, la porte d'entrée, votre approche qui vous permette de plonger dans cet ouvrage? Alors, de mon propre point de vue, si vous voulez, Récolte et semailles a joué un rôle extrêmement important par l'enseignement que j'ai eu de Grothendieck, de l'attitude du chercheur dans sa recherche. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, Grothendieck, très loin dans Récolte des semailles, arrive à distinguer, si vous voulez, en gros, deux manières de faire des mathématiques. Il y a les mathématiques sportives, qui consistent à résoudre des problèmes, et il y a les mathématiques qui sont... Il fait la distinction entre le yin et le yang, mais si vous voulez, des mathématiques qui sont d'une toute autre nature, qui consiste à explorer un sujet un peu... Grothendieck compare cette exploration à l'exploration du corps d'une femme, et il dit, si vous voulez, toute l'attention qu'il faut, tout le soin qu'il faut, toute la patience infinie qu'il faut pour faire cela. Et, si vous voulez, ce qui m'a donc énormément aidé, c'est que chacun d'entre nous est différent, chaque mathématicien est différent. Mais dans ma propre évolution, Bien sûr, si vous voulez, au départ, quand on veut se faire accepter comme mathématicien, on n'est pas obligé, mais il vaut mieux résoudre des problèmes qui étaient posés avant, longtemps avant. Donc ça, c'est une espèce de, comment dire, de passage obligé. Mais une fois que ce passage obligé a été franchi, si on veut vraiment faire des choses profondes, adopter cette attitude qui consiste à essayer de, si vous voulez, d'avancer de epsilon dans un domaine donné en appliquant des techniques qui sont déjà connues, ça n'est pas ça qui est créatif. Et ce que Grothendieck explique merveilleusement dans son livre, c'est justement, il donne, si vous voulez, pas une recette, mais il donne un tas de raisons, un tas d'explications. Par exemple, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur, et que l'erreur, au contraire, est quelque chose de positif. Parce que lorsque on comprend qu'on a fait une erreur, on comprend qu'on est sur la mauvaise voie, eh bien c'est là qu'on progresse. Et ainsi de suite. Et il explique, si vous voulez, je veux le dire ça, il explique que si, je vais vous citer sa phrase parce que c'est tellement vrai ce qu'il dit. Il dit qu'il ne se considérait jamais comme étant plus doué que ses contemporains, absolument pas. Ce que dit Grothendieck, c'est la chose suivante. Il dit « Je vois maintenant très clairement et sans résidu du moindre doute ceci ». Que si, avec des dons intellectuels nullement exceptionnels, il ne se considérait pas du tout comme... J'ai pu néanmoins constamment donner ma pleine mesure dans mon travail mathématique et produire une œuvre et enfanter une vision vaste, puissante et féconde. Ce n'est à rien d'autre qu'à cette fidélité que je le dois, à cette absence de tout souci de me conformer à des normes, grâce à quoi je m'abandonne avec une totale confiance à la pulsion de connaissances originelles. Ça, c'est extrêmement important à dire. Et il va même, si vous voulez, jusqu'à relier cette pulsion dans le texte à la mère. Sans la tailler et l'amputer en rien de ce qui fait sa force et sa finesse et sa nature indivise. Oui, Olivier Carmelo. Oui, merci. Donc, effectivement, je voudrais citer un passage que je trouve vraiment magnifique et qui illustre justement le point que tu viens de soulever. Toujours dans Récolte et Semaille, Grothendieck dit « Ce qui fait la qualité de l'inventivité et de l'imagination du chercheur, c'est la qualité de son attention à l'écoute de la voix des choses ». Donc justement, il souligne l'importance d'avoir une attitude de réceptivité vis-à-vis de la richesse du monde. Donc le monde est incroyablement riche et pour pouvoir saisir cette richesse, il faut adopter une attitude, disons, très, très réceptive et travailler sur la qualité de sa propre attention. Donc vous voyez quand même que c'est une approche qui n'est pas du tout l'approche classique des mathématiciens qui sont peut-être poussés par le désir de casser des noix, comme le dirait Grothendieck, parce qu'il fait aussi la comparaison d'un problème comme si c'était une noix qu'il faut casser. Donc la plupart des mathématiciens diraient « Ok, essayons de casser cette noix, on va utiliser toutes les méthodes possibles, c'est pas très important comment on y arrive. Par exemple, si on a un marteau à disposition, on peut l'utiliser, c'est pas un problème. » Alors lui, il dit « Non, en fait, il faut être délicat. » Il faut être à l'écoute de la voix des choses. Et qu'est-ce que ça signifie pour lui, en fait? Pour reprendre l'image de la noix, ça consiste à plonger cette noix dans un liquide émollient et la laisser tout simplement se reposer de façon à ce que, au bon moment, elle s'ouvre naturellement. Donc en fait, son approche en mathématiques a toujours été une approche globale visant à mettre les problèmes dans le cadre le plus naturel pour que la difficulté se dissout naturellement. Donc vous voyez, c'est très original comme approche, et c'est magnifique. Laurent Lafargue, votre point d'entrée, je vais alors moi aussi dire un mot pour nos auditrices et nos auditeurs. Grothendieck le dit, il le répète à plusieurs reprises dans Récolte et Semaille, hein, il ne veut pas que ce texte s'adresse exclusivement aux mathématiciens, il en fait vraiment un point important. Il écrit « Ce qui est venu, c'est une sorte de longue promenade ». Alors il est très sur cette idée de la narration au fil de l'écriture, au fil de la marche. « Une longue promenade commentée à travers mon œuvre de mathématicien, une promenade à l'intention surtout du profane, de celui qui n'a jamais rien compris aux maths ». Oui, donc moi j'ai eu, disons, deux points d'entrée dans Grothendieck. Et contrairement à Alain Cohn, mon premier point d'entrée dans Grothendieck, ça a été vraiment dans son œuvre mathématique. C'est dans un deuxième temps que j'ai découvert Récolte et semaille, quelques années après. Et je dois dire que ces deux rencontres, c'est-à-dire d'abord de l'œuvre et ensuite de Récolte et semaille, ont été pour moi bouleversantes. La première parce que j'avais commencé des études de mathématiques, j'étais à l'école normale supérieure, donc en mathématiques, en fait parce que les mathématiques étaient faciles pour moi, alors même que mes goûts étaient plutôt littéraires. J'étais davantage passionné par la littérature et jusqu'alors je n'avais pas rencontré dans les mathématiques ou dans les sciences quelque chose qui me paraisse de profondeur ou comparable à celle des plus grandes œuvres littéraires. Or, en deuxième année à l'école normale supérieure, j'ai appris l'existence de Grothendieck à l'occasion d'un groupe de travail d'initiation à la géométrie algébrique. Donc je me suis précipité à la bibliothèque, j'ai emprunté un certain nombre de volumes, j'ai commencé à les étudier et j'ai été totalement stupéfait. C'était des mathématiques comme je n'avais jamais vues. Et pour la première fois dans mes études, j'ai eu le sentiment d'être confronté à une œuvre qui était d'une profondeur et d'une beauté comparable à celle des plus grandes œuvres littéraires. Je peux dire que c'est par la lecture des œuvres mathématiques de Grothendieck qui m'a pris plusieurs années j'ai compris que les mathématiques pouvaient être intéressantes et même passionnantes, que j'ai compris la profondeur des mathématiques. Et quelques années plus tard, alors que je préparais une thèse, j'ai entendu parler de Récolte et semaille. Un exemplaire était disponible à la bibliothèque universitaire d'Orsay où j'allais, et j'ai commencé à le lire dans cette bibliothèque. Et là aussi, j'ai été totalement stupéfait parce qu'il s'agissait de la même chose. Il s'agissait de cette œuvre mathématique que j'avais étudiée déjà depuis plusieurs années, qui pour moi était absolument fascinante. Et voilà que l'auteur même de cette œuvre en parlait en termes personnels. C'est-à-dire que ce n'était plus un travail mathématique nécessairement marmoréen, impersonnel, bien sûr, écrit toujours sans référence à aucun auteur. C'était l'investissement d'une personne qui avait permis cette œuvre et un investissement d'une intensité incroyable. C'est-à-dire, Olivia a cité ce passage de Grothendieck où il parle de la qualité de l'attention, mais effectivement, c'est ce que l'on perçoit chez lui, c'est-à-dire la qualité et l'intensité de l'attention, à quel point il s'est mis au service des choses et de la voix des choses. Et donc, c'est cela dont il parlait dans Récolte et semaille. Et d'ailleurs, avec une autre dimension qui apparaît, qui est sa propre dimension littéraire à lui. En fait, Grothendieck est un très grand écrivain et je pense que ça apparaît dans les citations qui ont déjà été faites. Ça s'est même entendu tout à l'heure dans le bref extrait que nous avons entendu, c'est-à-dire que Grothendieck s'exprime admirablement, donc même à l'oral. Et à l'écrit, en fait, beaucoup de passages de Récolte et semaille sont proprement admirables sur le plan littéraire. Ils relèvent de la philosophie, ils ont un rapport avec les mathématiques, mais ils relèvent aussi de la poésie. Et d'ailleurs, il faut savoir que lorsque le jeune Grothendieck était au lycée, bien avant d'imaginer qu'un jour il deviendrait mathématicien, ses camarades de classe et ses professeurs lui avaient donné un surnom. Et le surnom qu'il lui avait donné, ce n'était pas du tout le matheux ou le mathématicien, c'était le poète. On va continuer à plonger dans cet ouvrage Récolte et semaille, et on va y plonger concrètement, puisque dans quelques minutes, nous avons eu la chance d'avoir eu accès non seulement aux tapuscrits, mais également aux notes manuscrites qu'il y a par littéralement dizaines de milliers, qui sont chez un libraire parisien. On y va tout de suite après ça. Restez avec nous. Oh! logique. Je faisais de mon mieux pour gagner du terrain. Suivre la diagonale pour trouver le chemin. Je restais très longtemps à contempler des plans. Maintenant je prends la tangente. J'aime bien. Entre deux parallèles impossibles, je sens. Sentinelle mathématique de Bertrand Burgala à 16h35 sur France Culture. Nous parlons donc de l'ouvrage Récolte et semaille d'Alexandre Grothendieck qui vient d'être publié ce mois de janvier en deux volumes aux éditions Gallimard dans la collection Tell. Nous en parlons avec Olivia Caramello qui est mathématicienne et logicienne, professeure associée à l'Università degli Studi d'Aline Soubria à Côme et titulaire de la chaire Israël Gelfand à l'Institut des Hautes Études Scientifiques à l'IHES. Alain Cohn, mathématicien, professeur émérite à l'IHES, titulaire de la chaire Analyse et Géométrie au Collège de France et lauréat de la médaille Fields en 1982. Et Laurent Laforgue, mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2002, qui travaille aujourd'hui chez Huawei, mais sur une partie des mathématiques développées par Alexandre Grothendieck. Nous en reparlerons dans un instant. Récolte et semaille, hein, on l'a dit, est un livre qui est longtemps resté en boîte, nimbé d'une certaine aura de mystère. Outre les plus de 1000 pages du tapuscrit original, il y a également des dizaines de milliers de pages de notes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Vous avez eu la chance et le privilège d'aller consulter ces notes manuscrites qui dorment encore dans la cave d'un libraire parisien. Et oui, grâce à Jean-Bernard Gillot, qui est un peu le gardien des archives de Grothendieck. En fait, après sa mort, son fils Mathieu lui demande d'expertiser l'ensemble du corpus, des milliers de pages laissées dans des caisses et des cartons. Alors ensemble, ils vont tout ramener à Paris dans une nuit du mois de novembre 2014, en voiture. Après en avoir estimé la valeur, quoique inestimable, ces textes restent encore dans la cave de sa librairie Alain Brieux. Ensemble, on a parcouru quelques extraits de Récolte et semaille, mais aussi des carnets, des pages finement gribouillées, racontant tantôt des mathématiques complexes, des réflexions personnelles ou des mémoires de famille. Alors, nous sommes à la librairie Alain Brieux, rue Jacob, à Paris. Je suis le libraire. Je m'appelle Jean-Bernard Gillot, et donc, il y a quelques années, on m'a demandé de m'occuper des manuscrits d'Alexandre Grothendieck. Donc, il y a 60 000 pages qui sont dans des malles, qu'on ira voir après. Et puis là, pour l'instant, il y a un ensemble de... Il y avait un carton, qui était un carton de l'Encyclopédie Universalis, qui est encore marqué Alexandre Grothendieck. Et on a tout fouillé, on a tout présenté, on a tout mis en papier dans des petites boîtes, tout posé à plat. Donc on a des manuscrits que je vais vous montrer. Donc maintenant je vais vous montrer les petites boîtes. Et donc c'est notamment grâce à vous qu'on a récupéré ces manuscrits qui ont permis la publication par la suite, des années après. Moi je suis le gardien. Voilà, je suis le gardien de... Le gardien de récolter ce manuscrit. Voilà. De tous les manuscrits. Alors là, oui. Tout est conservé dans des caisses. Donc là, on a tout mis. Voilà, on a 1500 pages qui sont que des brouillons dans tous les sens. C'était dans la poubelle, hein, entre guillemets. C'était quelque chose qui était en poubelle. Oui, on dit que Alexandre Grothendieck voulait tout jeter, tout mettre voilà. À la poubelle, toute sa production. Sauf qu'en fait, il ne voulait rien jeter. La preuve, c'est que tout est là. Voilà, donc il y a... Donc parmi ces caisses, il y a notamment des écrits qu'on retrouve dans... Qu'on veut retrouver. Récolte et semaille. Possible, probablement. Mais là, on a aussi des choses. Voilà, il écrivait, c'est quelqu'un qui était un fou de l'écriture. Donc il écrivait en permanence. Donc là, il y a une lettre... Il y a des... Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est très hétérogène dans ce qu'on voit. Il y a des équations, il y a des formules, et puis aussi voilà, le pouvoir de la. Des jets de phrases. De phrases, absolument. Des petits schémas. Tous les documents sont conservé, on a tout conservé. Donc il doit y avoir une ou deux lettres avec des impôts où il est écrit quelque chose derrière. Ouais, des lettres. Voilà. Donc, là, par exemple, là, c'est des mathématiques. Je sais qu'il y a de la physique, il y a des tas de choses. Voilà, donc là, il y a 1500 pages. Il y a de la poésie aussi dans Récolte et Semaille. Il y a aussi de la poésie, mais c'est énorme. Là, on va aller voir après le reste des pages. Donc on a environ 60 000 pages qui sont là. Enfin, je sais pas, je veux dire, on parlait tout à l'heure des topos. Là, il y a des choses absolument importantes sur les topos. C'est l'avenir, c'est Huawei qui va travailler dessus. C'est extraordinaire. C'est vrai que l'objet, un des objets centraux mathématiques décrit dans Récolte et Semaille, c'est bien cet objet, les topos, qui sont un outil très puissant et unificateur dans le domaine des mathématiques. C'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Bon, maintenant, on va... En tout cas, il disait que c'était une de ses plus belles découvertes. Voilà. Donc, on va vous montrer la suite. Donc, on descend au sous-sol. Dans l'antre des antres. Voilà. Nous avons 5 cantines qui sont toutes référencées. Alors, les cantines, elles sont dans des boîtes. Il y a 48 boîtes ou un peu plus probablement. Chaque boîte est une reliure qu'avait fait faire Alexandre par un ami à lui qui était relieur, qui avait appris la reliure en prison. C'est quelqu'un du groupe Action Directe qui n'a pas eu de sang sur les mains, mais qui avait été... proche de l'action directe. Donc nous avons... Tout est référencé, tout est daté, tout est numéroté. Cette écriture si fine est... Exactement. Et donc voilà, nous avons des mathématiques, de la physique, des tas de choses. On dirait qu'il écrit au fil de l'eau de sa pensée, comme s'il ne pouvait jamais s'arrêter. C'est vraiment la sensation que ça donne. Je pense que c'était... Le but de sa vie, c'était d'écrire. Comme il dit, on n'achète pas des livres, on les fait. Voilà, donc, alors il charge, il surcharge, il gomme, il rectifie, mais tout est intact. Voilà. Et il y a environ donc 60 000 pages ici. Un des derniers paquets. Donc, parce qu'à la fin, donc, il se fâche avec le. La communauté. La communauté, ouais, il a passé sa vie à se cacher avec la communauté, ce qui est bien compris. Il se fâche avec son copain qui était le relieur. Il lui dit je vais te donner les boîtes. Il a refusé, donc ils se sont fâchés. Donc à la fin, il n'a plus personne pour s'occuper de ces boîtes. Donc il prend des. Voilà. Il continue son travail et puis il met ça dans des carnets. Voilà, donc là, on est un peu probablement dans des choses qui sont. Proche de Dieu, du diable. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métaphysique et de spiritualité. Absolument. Et après, il y a aussi des histoires de famille, vraiment, en cause tout un tas de choses. Enfin, voilà. Ça reste un objet incroyable. Et je suis gardien de ça. Je ne comprends même pas pourquoi c'est chez moi. Est-ce que, selon vous, la publication enfin de cet opus, une quarantaine d'années après sa rédaction, va changer quelque chose? Oui, c'est le début de l'histoire d'Alexandre Grothendieck, je pense, entre ça, les topos, et c'est le début d'une plus grande aventure. On a affaire à un génie, et puis il est là au fond. Les manuscrits sont là au fond d'une macave, c'est ridicule. Mais bon, ils sont là, je les protège pour l'instant. J'ai qu'une hâte, c'est que ça parte et que ça serve à tout le monde. Voilà ces dizaines de milliers de pages manuscrites d'Alexandre Grothendieck dans la cave de ce libraire parisien. Une réaction, effectivement. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il faut les prendre, les protéger, les mettre ailleurs, les enlever, puisqu'apparemment ce monsieur ne demande que ça pour les donner, les verser à la connaissance commune? Laurent Laforgue. La réponse est oui, évidemment. C'est des textes très précieux de l'un des plus grands créateurs du XXe siècle, l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Donc c'est évidemment précieux. Il faudrait que ces manuscrits, en effet, soient... sauvegarder, qu'il soit également scanné pour être mis à la disposition de tous. Cela dit, je voudrais aussi ajouter une remarque inspirée par le simple fait que il y a 60 000 pages. On peut se demander comment est-ce possible, mais ici il faut faire un commentaire qui est que pour Grothendieck, L'écriture est le moyen de la recherche de la vérité. Donc, Grothendieck, en fait, ne réfléchissait pas de tête, comme on dit. Il écrivait tout. Il écrivait tout ce qui lui passait par la tête. Et il a passé sa vie à faire cela, donc principalement s'agissant de mathématiques, mais pas seulement. Et en fait, dans Récolter Semail, il insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le pouvoir créateur de l'écriture. Et c'est quelque chose dont il a fait l'expérience et qui en fait est une leçon pour tout un chacun. C'est-à-dire que en écrivant, on trouve beaucoup plus. Voilà. On entendait parler dans ce reportage des topos, c'est très important. J'aimerais qu'on l'évoque maintenant. C'est la grande création, ce que Grothendieck disait être le plus fier d'avoir créé, une volonté unificatrice des mathématiques. Et pourtant, paradoxalement, pour des raisons que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer les uns, les unes et les autres, ces mathématiques-là ont très mauvaise presse. Aujourd'hui, dans la communauté mathématique, il est difficile d'effectuer des recherches et de travailler sur les topos. Alain Cole, vous avez donné des leçons au Collège de France sur les topos, mais ça n'a pas duré très longtemps. Vous-même, Olivia Caramello, ça a été difficile et vous avez eu des pressions pour ne pas continuer dans cette voie. Comment est-ce que ça s'explique tout ça? Alain Cole me fait signe que non. Oui. Non. En fait, si vous voulez... Non, c'est une version complètement externe de la réalité. La réalité, si vous voulez, c'est que la notion conceptuelle de topos... Que vous pouvez nous rappeler, brièvement, s'il vous plaît. Ah, ben, je peux vous rappeler ce que c'est. En fait, en gros, si vous voulez, on avait avant Grothendieck l'habitude... Pour étudier un espace, tout le monde sait que le rôle de l'espace, si vous voulez, c'est essentiel dans la géométrie, dans les mathématiques. Avant Grothendieck, quand on voulait connaître un espace, on le regardait directement. D'accord? Et on essayait de le comprendre. Ce que fait l'idée du topos, qui est une idée merveilleuse, c'est, si vous voulez, elle met l'espace dans les coulisses, et ce que l'on fait, c'est des mathématiques ordinaires avec un paramètre. Ce paramètre est dans l'espace en question. Il est dans les coulisses. Pour vous donner l'exemple le plus simple possible, supposez que l'espace en question, ce soit simplement deux points. Eh bien, les mathématiques que vous faites, c'est vous faites deux fois les mathématiques qui sont la théorie des ensembles ordinaires. Eh bien, ce qui est merveilleux, si vous voulez, dans la théorie des topos, qui est là, c'est qu'elle a deux caractéristiques. La première, c'est que, en justement... En analysant ce qui se passe dans le contexte ordinaire de la théorie des ensembles, mais fait avec paramètres dans le topos, on arrive à une connaissance de cet espace, qui est l'espace des paramètres, qui est le topos, bien plus fine que si on l'avait regardé directement. Et je dois dire, si vous voulez, que je ne peux pas m'empêcher de dire qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un livre avec un psychanalyste, qui est Patrick Gauthier-Lafaille, dans lequel on utilise cette métaphore, mais par rapport justement à la psychanalyse. Et la deuxième chose qui est absolument extraordinaire, si vous voulez, dans cette idée du topos, c'est qu'elle revient à quoi? Elle revient à regarder le mathématicien au travail de manière structuraliste. C'est-à-dire, le mathématicien au travail va manipuler des ensembles, mais le structuraliste va se fiche du fait que ce sont des ensembles. Il va regarder le mathématicien qui manipule des objets et des flèches. Et il va dire, ce mathématicien travaille sur ce qu'on appelle en mathématiques une catégorie. Et ce structuraliste va dire, mais quelles sont les propriétés de cette catégorie qui font que le mathématicien peut travailler? Eh bien là, on est au cœur des topos. Comment expliquer alors, Olivia Caramello, que les topos, alors corrigez-moi évidemment si je le décris de manière trop caricaturale, mais est si mauvaise presse ou soit un champ de travail de la mathématique qui finalement a été très vite rejeté ou repoussé par les institutions? Oui, en fait, j'ai réfléchi beaucoup par moi-même en lisant Récolter Semail et aussi vraiment sur la base de celle qui a été ma propre expérience de vie, parce que effectivement, j'ai reçu énormément d'opposition en fait depuis le début de ma carrière, tout simplement parce que je voulais développer d'une façon globale et systématique cette théorie, justement dans le but de réaliser cette aspiration d'unification qui avait été déjà exprimée par Grothendieck, notamment dans Récolte et Semailles. Donc en fait, tout mon travail de recherche a été dirigé vers le but d'élaborer des techniques, des méthodes pour transférer des connaissances entre des parties complètement différentes des mathématiques par le biais des topos. Donc en fait, les topos peuvent être utilisés de façon incroyablement efficace comme des objets ponts pour relier des contextes mathématiques les plus divers les uns des autres. Donc en fait, on peut penser métaphoriquement un topos comme un lieu dans lequel des points de vue différents se rencontrent en se reflétant les uns dans les autres. Donc, je donne cette métaphore pour souligner, pour vraiment mettre en avant cet aspect d'unification, parce que je pense que c'est celui qui a vraiment engendré le plus d'hostilité. Je pense que c'est pas la technicalité des topos en tant qu'objet mathématique comme d'autres objets, parce que bien sûr, il y a toute une technicalité, même, bon, la théorie est quand même très sophistiquée et très profonde sur le plan purement technique. Mais c'est pas l'aspect technique qui a été à l'origine de l'ostracisme. Je pense que c'est vraiment cette dimension globale et interdisciplinaire qui dérange les gens, parce que aujourd'hui, disons, les mathématiques sont devenues hyper spécialisées, donc chaque spécialiste travaille dans son coin avec ses propres méthodes, il s'habitue à penser d'une certaine façon. Or, avec ces ponts qu'on arrive à engendrer avec les topos, on peut arriver notamment à démontrer un résultat dans un secteur des mathématiques en utilisant des méthodes complètement étrangères à ce secteur-là. On peut arriver à établir des ponts entre vraiment des secteurs complètement éloignés à l'apparence. Et donc, on peut arriver chez un spécialiste dans certains domaines avec un résultat qui le surprend beaucoup, qu'on arrive à démontrer par des méthodes qui ne sont pas les siennes. Mmh. Donc, vous pouvez déjà comprendre que ça, ça peut être inquiétant pour certains, si on n'a pas assez d'ouverture d'esprit pour accepter cette pluralité de points de vue. Donc, je pense qu'il y a un certain dogmatisme dans certains cercles mathématiques qui fait qu'on s'habitue à un certain langage et après, on se renferme en quelque sorte après des années d'hyperspécialisation, parce qu'il faut quand même comprendre que travailler dans n'importe quel secteur des mathématiques aujourd'hui, ça demande un investissement technique colossal. Donc, c'est quand même humainement compréhensible qu'on s'affectionne beaucoup à certaines méthodes et après, on dit « bah non, je ne veux pas voir autre chose ». Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que je donne par exemple des exposés où je présente des résultats dans un domaine qui n'est pas le mien, par exemple, et des gens, la théorie des modèles par exemple, ça m'est arrivé de démontrer un résultat parmi mes premières en fait, où je faisais une ample généralisation du théorème de Frey-Sim en théorie des modèles, qui est un résultat très important, et en fait dans l'auditoire, je me rappelle bien, un théoricien des modèles important qui ne pouvait pas croire que mon résultat était correct parce que c'était trop général. Et en fait, il a passé tout l'après-midi à essayer de trouver un contre-exemple, bien sûr, sans y parvenir, parce que ma démonstration était tout à fait correcte. Mmh. Sauf qu'elle était formulée dans un langage que lui, il m'a dit, non, mais je me mets même pas à essayer de comprendre, parce que de toute façon, je vais pas y arriver. Il me l'a dit comme ça. Et alors, il a préféré passer 4 heures de son temps et me tourmenter aussi, parce que moi, bien j'étais sûr. Là, et donc, il essayait de me fabriquer tous ces contre-exemples, et ça a été assez pénible, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté interdisciplinaire qui dérange. Après, il y a beaucoup d'autres aspects, bien évidemment, aussi. Laurent Laforgue, un mot, parce que vous avez précisément donc quitté le milieu académique pour passer dans le privé, et parce que dans le privé, en l'occurrence, on travaille, en l'occurrence, votre employeur travaille, vous demande de travailler sur les topos, et utilise cet outil qui a l'air d'être particulièrement efficace pour des travaux appliqués qui ont l'air d'être des travaux passionnants et effectifs. Oui, c'est une histoire qui est totalement stupéfiante pour moi, que je n'aurais jamais imaginé il y a encore quelques années. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, en fait, depuis que je connais Olivia Caramello et ses travaux, je suis devenu dans le monde académique un fervent supporteur du développement de la théorie des topos. Et comme toutes les personnes qui ont voulu développer les topos ou contribuer à leur développement, je me suis heurté pour cela à une très grande hostilité. À ma totale surprise, j'ai trouvé donc dans un milieu d'ingénieurs, donc en l'occurrence de la firme Huawei en France, Donc j'ai trouvé donc chez ces ingénieurs des oreilles beaucoup plus favorables. Donc c'est une chose que je n'aurais jamais attendue, qui me stupéfie aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai quitté le monde académique. Je suis chez Huawei et donc mon environnement est constitué d'ingénieurs et de responsables de la hiérarchie de la recherche de Huawei, qui sont totalement favorables au développement des topos, qui pensent dès aujourd'hui, c'est-à-dire seulement quelques années après avoir appris l'existence de cette théorie, qu'elle est extrêmement importante. Et donc certains parmi eux pensent que les topos vont devenir, les topos de Grothendieck vont devenir ou peuvent devenir les mathématiques de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire quelque chose d'une importance absolument colossale. Et voilà, donc pour moi c'est inimaginable parce que ça fait 60 ans que la théorie des topos a été introduite par Grothendieck. Elle a été développée par lui déjà à longueur de centaines et de centaines de pages, que lui-même, dont tout le monde sait qu'il est l'un des plus grands génies scientifiques de l'histoire, a énormément insisté sur la puissance des topos, sur l'importance des topos, même sur l'importance des topos au-delà des mathématiques. Donc, en fait, dans Récolter Semail, un certain nombre de pages sont consacrées à ça. Grothendieck dit pourquoi les topos sont tellement importants à ses yeux. Il le dit dans des termes que les mathématiciens peuvent comprendre, mais aussi que même un lecteur qui ne connaît pas les mathématiques peut être sensible à la beauté et à la profondeur de ce que dit Grothendieck quand il parle des topos. Donc il a écrit ces pages-là et ça n'a eu aucun effet dans le monde académique. Donc là, il y a un mystère que Grothendieck lui-même ne s'explique pas. Il constate cette hostilité, il ne la comprend pas. Olivia vient de proposer des éléments d'explication. Pour moi, ça reste un mystère. C'est-à-dire que, en fait, les topos sont un sujet sensible. Et c'est bizarre parce que, habituellement, quand on dit un sujet sensible, on comprend un sujet sensible, c'est par exemple un sujet politique sur lequel les gens ne s'accordent pas. On ne comprend pas qu'un sujet scientifique, qu'une définition théorique puisse être un sujet sensible. Or, en fait, elle l'est. Donc voilà, c'est un fait et que personnellement je ne m'explique pas, ou en tout cas pas de manière satisfaisante pour moi. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, puisque vous l'avez entendu, Grothendieck, c'est toujours passionnant, Récolte Semaille, c'est absolument captivant, et que en une heure, on a eu à peine le temps d'effleurer un certain nombre de sujets, donc je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on refasse un deuxième, puisqu'il y a deux volumes finalement à Récolte Semaille chez Gallimard, qu'on consacre une deuxième émission, on reparlera du découpage en deux volumes, si vous le voulez, ça fait partie des sujets qui fâchent, mais on consacrera une deuxième émission pour poursuivre cette discussion tout à fait passionnante. Merci beaucoup à tous les trois, merci Alain Cohn, merci Olivia Caramello, merci Laurent Lafog. Récolte et Semaille, c'est donc en deux volumes chez Gallimard dans la collection Tell. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique, et comme toujours en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.